perdit ses petites brebis. Les trouver, elle ne sait guère. Laisse-les tranquilles, elles rentreront à la file, traînant leur queue derrière. Bobby, d'ennui, s'est endormie. Est-ce qu'elle les entend bêler? Quand elle se lève, ce n'était qu'un rêve. Elles étaient toujours échappées. Alors elle les quête avec la houlette afin de les rattraper. Mais en les trouvant, c'était désolant. Leur queue était toute coupée. Il arriva un jour que Bobby fit le tour d'un pré dans le voisinage. Elle fut fort émue de voir les queues suspendues sur un arbre en guise de séchage. Bobby gémissait et sanglotait et courut par monts et par veaux en tâchant de faire comme devrait une bergère, attacher toutes les queues aux agneaux.